Dans le débat qui agite en ce moment le sud du Tarn autour de la construction ou pas de l'autoroute A69 qui doit relier, rappelons-le, Castres à Toulouse, on a souvent entendu les élus du Tarn et de la région avancer un besoin impérieux de désenclaver cette partie du département pour justifier cette construction. Ainsi, le député LREM du Tarn, Jean Terlier, a affirmé au micro de France 3 Occitanie que, je cite, « il y a nécessité de désenclaver le sud du Tarn qui est aujourd'hui un synonyme de ruralité. Il a besoin d'être rattaché à la métropole toulousaine par une voie de circulation. » Point final. Les opposants à ce projet mettent, eux, en avant son inutilité, son anachronisme, l'aspect écologique, la destruction de la biodiversité ou l'artificialisation des sols, l'aspect aussi économique, destruction de terres agricoles très fertiles, et puis son coût élevé à l'usage, 17 euros pour 54 kilomètres. Préférant finalement que les pouvoirs publics s'attachent plutôt à élargir l'actuel RN 126. Dans un communiqué publié il y a 3 jours, des chercheurs de l'Institut National Universitaire Champollion d'Albi remettent eux aussi en cause l'idée de l'automaticité entre équipement pour désenclaver un département et développement économique. Leurs arguments: un tel équipement, d'après eux, en libérant du foncier le long de l'autoroute, va certes générer des développements de zones artisanales, industrielles, commerciales et sans doute pavillonnaires, mais en dehors des centres-villes, et ainsi participer à leur dévitalisation en créant de nouvelles zones périphériques. Castres pourrait par exemple devenir une ville suburbaine de Toulouse, plus que ce qu'elle est actuellement. Pour ces chercheurs, cette autoroute ne met pas la sous-préfecture du Tarn au centre de l'échiquier. Cette autoroute place en son centre plutôt Toulouse, dans un phénomène de métropolisation, analyse ainsi Maxime Genevrier, professeur d'urbanisme, qui travaille notamment sur la revitalisation des centres-villes. Contrairement, poursuit-il, à ce que l'on peut penser, les commerces tournent en majorité avec les habitants du centre-ville. La périphérie n'est pas complémentaire du centre-ville. Elle est même concurrente en termes commercial ou en termes d'habitat. Si les décideurs attendent, comme ils le pensent, de l'autoroute qu'elle permette de développer le centre-ville de Castres, c'est une erreur. Une ville doit être le centre de sa propre zone d'attractivité, ce qui ne sera pas le cas de Castres relié à Toulouse par la 69. Pour cette urbaniste, le contre-exemple, c'est Cahors. Cahors qui bénéficie certes de l'autoroute Toulouse-Montauban-Limoges, mais cette autoroute est située à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville. Et du coup, cela n'a pas bouleversé son pôle de vie autonome, ce qui ne sera sans doute pas le cas pour Castres. Alors, elle en pense quoi, Carole Delga, étrangement muette ces derniers temps? Elle en pense quoi de cette nouvelle pierre lancée dans le camp des pro-autoroutes? Elle en dit quoi, la grande prêtresse autoproclamée des mobilités douces? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est qu'il n'y a pas, dans ses dires, pas d'autre solution alternative, qu'elle voudrait bien faire autrement, mais que les études pour imaginer autre chose n'ont rien donné. Elle ne veut pas le faire, mais il n'y a pas d'autre solution. Elle aurait bien voulu le faire autrement, mais que voulez-vous, faut se rendre à la réalité. On dirait Jupiter justifiant le passage aux 64 ans pour prendre la retraite. C'est vraiment difficile, Carole, de tenir sa gauche. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, 34e et dernière saison réalisée par Valentin Jiquel. Ce soir, on parle du deuxième album des Guilty Pleasure, duo électro-punk, mais pas que, électro-punk toulousain, par ailleurs animateur du label Duchetou Records et créateur de l'agenda culturel des Bafons toulousains, le Distorama, qui fêtera 7 ans d'activisme vendredi prochain, 28 avril, au Ravelin. Dans 5 minutes, nous aurons au téléphone... j'ai dit quoi ? 5 mai, mais pas 28 avril. Vendredi prochain, 5 mai, mais vous l'aviez rectifié de vous-même, vous qui êtes planqué devant votre calendrier en écoutant cette émission hebdomadaire. Dans 5 minutes, nous aurons au téléphone Claire Pelsener du festival Welcome in Zingani, dont la 6e édition commence ce soir et se déroulera jusqu'à dimanche. Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous parlera d'un concert à voir ce soir, et puis en fin d'émission, peut-être avant, quand il arrivera, on verra bien. Notre bon professeur Thibault nous régalera d'une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, foutraque, érudite et essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Inventive entre pop électro, exploration sonore et hip-hop, les compositions de Timothy Demoury se découvrent sur un nouvel EP 6 titres qui vient tout juste de sortir sous le patronyme de Grand Ressac. Grand Ressac qui n'est pas sans faire penser à certaines ambiances de expérience. Sans doute le parler chanté de Timothy Demoury sur les compositions de ce EP, mais peut-être aussi la production de Francis Estevez, un ancien d'expérience. En tout cas, on écoute tout de suite Fario, un morceau extrait donc de ce EP de Grand Ressac qui s'appelle Montagne. Grand Ressac, Fario, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. J'ai passé des ruisseaux, gravi des éblis de roches, de pierres. Je remonte les pentes ici, le soir le ciel devient bleu clair. Intense et les nuages roses dansent, ces coquillages d'Italie. Une enveloppe dorée dans ma poche de parka usée me rappelle sans cesse à toi. Et depuis un moment déjà, je me demande pourquoi. Si ce désir de ville, ce désir de désert ne vaut-il pas mieux que toi. C m'avait prévenu que ça me tuerait, C m'avait dit que ça me détruirait. J'ai passé des ruisseaux, grimpé les pentes comme la Fario. Je suis les cendres, je remonte les races vers les sources de Montpellier. Ce soir la lune est rousse et je me demande pourquoi. Ici déterrer les roches, des rochers. Je veux vivre dans la lande ancienne et l'air gelé. Désir des villes, désir des déserts ne vaut-il pas mieux que toi. C'est m'avait prévenu que ça me tuerait, c'est m'avait dit que ça me détruirait. C'est m'avait prévenu que ça me tuerait, c'est m'avait dit que ça me détruirait. Rendez-nous nos landes, rendez-nous la lande. Je veux vivre dans la... ça me tuerait. C'est m'avait dit que ça me détruirait. C'est m'avait prévenu que ça me tuerait. C'est m'avait dit que ça me détruirait. Rendez-nous Hollande. Rendez-nous la lande. Que ça me tuerait. Que ça me détruirait. Rendez-nous Hollande. Rendez-nous la lande. Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon? Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Caramel Mou sur Campus FM à Toulouse. Et au téléphone, nous avons depuis Sessang, une petite localité dans le Gers, entre Lombez et Mirande, Claire Pelsener, qui va nous parler dans très, très, très, très vite de Welcome in Zingani, un festival qui commence ce soir et qui va se poursuivre jusqu'à dimanche. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais donc, Welcome in Zingani, ça commence donc dans quelques minutes. L'édition commence à 19h, c'est ça? Oui, ouverture des portes à 19h et premier concert à 20h. Dans la Zingani, c'est quoi comme pays? On connaissait déjà la Sildavie ou la Bordurie pour tous les aficionados de Tintin et Milou. La Zingani, c'est entre les deux? Oui, si on veut. Alors, c'est un monde imaginaire, voilà, c'est un peu de la culture tzigane et du Balkan. Donc, un festival qui est centré sur ces musiques-là, musique balkanique, un festival qui est né il y a 6-7 ans, vous en êtes à la 6e édition sur l'édition de 2023. Plus 16e, oui. 16e édition 2023. C'était quoi le projet de départ? Il y avait vraiment ce besoin de montrer ces musiques balkaniques qui quand même ont eu leurs heures de gloire il y a une quinzaine d'années, lorsque Kusturica les mettait en bande de son de ses films, que Bregovic tournait partout en Europe avec son orchestre des mariages et des enterrements, et que Chantel faisait guincher dans les boîtes berlinoises. À la base, le festival est né en fait d'un projet d'études du directeur du festival, Florian Calvez, qui avait vraiment un attrait pour ces musiques-là. Et puis, voyant que voilà, que ça plaisait, que c'est vrai que c'était des musiques qui, bon, même si effectivement, comme vous citiez, tous les artistes étaient assez, enfin, c'était connu, mais pas tant que ça quand même. Et puis encore moins, je pense, à Seissant, dans le Gers, dans un petit village comme Seissant. Et donc voilà, la volonté de faire découvrir ces cultures-là un peu plus largement et voilà, et de partager tout simplement cet amour de la musique comme ça, qui sont souvent des virtuoses, voilà, des sonorités avec beaucoup de cuivre, voilà, de faire un festival autour de ces cultures-là. Un festival qui est ancré sur le territoire? Oui, puisque ça y est, c'est la 9e année même sur le territoire de Val-de-Gers, au Théâtre de Verdure de Seissan. Donc c'est vrai que chaque année, là maintenant, c'est devenu un rendez-vous un peu incontournable pour les locaux. Puis on a une équipe de bénévoles très impliquée qui est du territoire aussi, de Seissan même. Donc on peut dire ça. Avec une structure qui soutient ce festival, une structure associative, je suppose. Oui, tout à fait. L'association qui a été créée juste après la première édition, enfin en parallèle, qui s'appelle l'association L'Ère des Balkans. Et qui, en parallèle du festival, développe aussi toute une saison culturelle avec voilà, des actions culturelles, d'autres concerts sur le reste de l'année en plus du festival. Donc parlons un peu de cette 16e édition, une édition que vous avez voulu ouvrir sur d'autres cultures musicales. On y entendra en particulier Juan Carmona et sa musique flamenca, et aussi un festival qui s'ouvre sur des sonorités qui s'électrifient au niveau des musiques des Balkans. Oui, tout à fait. Ouais, effectivement, c'est dur. Enfin voilà, là, on vient avec la programmation de cette année. Justement, c'est une programmation qui est très variée pour essayer de représenter le plus largement possible tous les styles inspirés des Balkans et tziganes. Et justement, oui, avec des sonorités un peu plus électro, comme par exemple Energy Band, qui est un groupe qui nous vient de Serbie, qui, voilà, qui reprend un petit peu les sonorités des fanfares cuivrées, mais avec des rythmiques un peu plus, voilà, il y a un synthé, il y a un saxo, un accordéon, avec des notes un peu plus électro. Et puis, on a aussi des groupes assez étonnants, comme Culture Shock, qui nous vient des États-Unis et qui, mêlent des mélodies un peu folkloriques des Balkans, avec même carrément du metal, du punk, du rock. Voilà, voilà. Culture Shock, qu'on écoutera en fin d'entretien dans quelques minutes. On va avoir droit aussi au retour de Chantel. C'est vrai qu'il a eu son heure de gloire il y a une dizaine d'années, cet artiste basé en Allemagne, croate, si je me souviens bien. Allemand, ouais. Et qui avait eu son heure de gloire avec un morceau qui célébrait les petits piments qu'on mange partout en Croatie. C'est le retour de Chantel. Il y a également des fanfares qui reviennent. C'est vrai que vous avez essayé de faire une programmation qui mixe pas mal d'univers et pas mal de cultures venant des Balkans. Oui, tout à fait. C'est vraiment le but de cette édition que même si on vienne juste pour une soirée, de découvrir vraiment tous les styles et toutes les variétés de ces musiques-là. Et effectivement, du coup, il y a Chantel qui reviendra avec un DJ set. Et on a par exemple la fanfare aussi, Crème Mamouto, qui sera là le dimanche, accompagné de Bojan Sabanovic, un chanteur phare de la communauté rome de Serbie, pardon. Et on a aussi Double Jada Collectif qui revient le dimanche soir, qui fête les 20 ans du groupe, là, donc ils vont nous faire un concert événement pour les 20 ans de la tournée. Bah écoutez, très bien. Donc, un festival qui commence dans quelques minutes. Ce soir, on commence avec quoi ? Et ce soir, on commence par du chant traditionnel hongrois avec Monica Lakatos and the Gypsy Voices. Très bien. Eh bien, écoutez, bon festival. Je rappelle simplement que ce festival a lieu jusqu'à dimanche, trois jours autour des musiques des Balkans, mais pas que, puisqu'on y trouvera aussi des musiques algériennes et espagnoles. C'est ça. Merci beaucoup et bon festival. Merci beaucoup, merci à vous, bonne soirée. Et donc on va écouter tout de suite ce groupe Culture Shock dont Claire Pelsener vient de nous parler, un groupe américain qui mélange une tradition très métal américaine avec des sonorités venues des Balkans, et donc c'est à écouter demain soir dans le cadre du festival Welcome in Tzigany. Et ce festival se passe donc à Sessang dans le Gers, un petit village entre Lombez et Mirande. May I help you? is busy. May I help ya? L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Il paraît que ce soir vous nous parlez d'un concert et que pour une fois, un concert que vous n'organisez pas, c'est un miracle. Non, mais en plus, je ne vais même pas parler de musique bizarre. Ah oui, quand même, un tout petit peu quand alors, même. Je vais parler d'un projet atypique, on va d'accord, dire, allez. Mais pas de musique bizarre. C'est joli, atypique. Voilà, atypique. Allez, allons-y. Je crois que c'est le mot qui convient. Donc c'est un je voulais faire cette chronique parce qu'il y a justement un concert ce soir, voilà. du groupe Astéréotypie. Donc ça se passe au Métronome à partir de 20h30. Et je me suis dit quand même c'était intéressant de dire un mot sur ce groupe qui est vraiment atypique. Oui. D'ailleurs je pense que cette chronique va être un petit peu un binôme puisque je compte un peu sur vous pour compléter mes propos parce que je sais que vous connaissez beaucoup plus de choses sur ce collectif que moi, mais je vais quand même me permettre de dire quelques trucs dessus. Allons-y. Donc on va le faire en binôme. Donc atypique, pourquoi? C'est vrai que c'est un groupe déjà au départ qui il y a quelques autres. Le groupe est mélangé avec des autistes et des musiciens non autistes. Et bon, on peut parler de l'histoire du groupe, oui, parce que ça date de plus de 10 ans, non? Et donc c'est un projet qui est né dans un IMEP du côté de Bourg-la-Reine en 2010. Donc IMEP, Institut Médico-Pédagogique, voilà. qui est spécialisé dans l'accueil de jeunes et autistes, pour le cas des autistes, donc la population autiste sur cet établissement. Et donc un certain Christophe Luyer, qui était guitariste et éducateur, musicien. Ouais, il y en a. À Toulouse, on en a un exemple d'un éducateur qui a été guitariste, El Comunero, Thomas Jiménez, un éducateur qui est guitariste et qui a utilisé la guitare pour son travail d'éducateur. Ouais. Ce qu'a fait ce Christophe Lullier. Et ce qu'a fait Christophe Lullier, donc il a justement profité de ça. Il a commencé, lui, c'est tout à fait un hasard, il a commencé des ateliers d'écriture avec des jeunes sur le centre. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, ils ont commencé petit à petit, il s'est créé tout un univers. Petit à petit, ils ont commencé à créer des morceaux. Puis petit à petit, ils ont commencé à se produire en public. Et puis petit à petit, ils se sont fait un public. Et alors, le chemin faisant, comme ça, ils sont arrivés à finalement faire un groupe qui, maintenant, pour voir où ils sont, ils font des tournées dans toute la France, ils sont reconnus partout. Donc ça, c'est une espèce de phénomène, quelque chose de... Bon, lui-même, je crois que dans ses interviews, c'était pas son but au départ, de faire ça avec les jeunes, mais il s'est passé quelque chose, et puis ils ont été pris par le succès, en gros. Donc c'est quand même une magnifique histoire, je trouve. Avec un fond musical qui peut être plutôt punk dans l'esprit, même si de temps en temps, on a des morceaux nettement plus tranquilles. Mais, ouais, je pense que la musique qu'on peut décrire, c'est quand même une musique assez punk rock, quand même, électro parfois. Et donc c'est lui qui fait la composition des morceaux. Et c'est les personnes qui sont dans cet établissement qui écrivent les textes. Qui écrivent les textes et qui font du slam ou du chant. Donc ils sont accompagnés. Et donc c'est là que vient la singularité du projet, c'est justement sur ces textes. Puisque c'est des textes, bon, c'est du vécu, quoi. C'est du réel. Je crois que ils parlent de leur angoisse, ils parlent de tout ça, avec un langage très décalé, des fois. Et c'est ce qui donne le charme de ce projet. Moi, j'irai au-delà du charme. On écoutera en fin de chronique. Oui, mais il y a quelque chose d'émotion d'émotion, parce qu'ils parlent vraiment on rentre vraiment dans leur monde. Dans leur monde, et puis ils nous renvoient aussi la façon dont on les traite. Et c'est vrai qu'il y a, sur certains textes, on se dit, ah ouais, quand même. Le morceau qu'on écoutera en fin de chronique s'appelle Colère. Et le type qui parle et qui chante raconte un peu son ressenti par rapport à la façon dont les gens le traite quand il marche dans la rue. Waouh. C'est un sacré coup de poing. C'est vrai que c'est un collectif. Je parle, on parle de groupe, mais là, on est sur un collectif. Voilà. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs chanteurs. Il y en a trois ou quatre. Il y en a une qu'on voit. Il y en a une qui vient d'arriver depuis trois ans dans le groupe. Qui s'appelle Claire. Qui est particulièrement. Elle est assez incroyable. Elle est très étonnante. Elle est assez médiatisée en ce moment parce que en plus, elle fait partie de ce collectif qui travaille dans les rencontres du Papotin. Donc les rencontres du Papotin. Le Papotin, c'était un journal qui avait été monté dans un premier temps dans cette IMEP et qui a donné maintenant lieu à une émission de télé que l'on voit tous les 15 jours pendant une demi-heure sur France 2. Et donc, une des filles qu'on voit beaucoup depuis quelques émissions, c'est cette fameuse Claire qui a intégré aussi ce groupe. Mais c'est assez magique en fait parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir la musique aussi. Il y a un révélement. C'est pas qu'un truc anecdotique. Il y a quelque chose de fort dans ce qu'ils font avec des paroles qui sont très très étonnantes. Et je crois que c'est un concert dans les stéréotypies, ça reste quand même quelque chose de toujours étonnant. Et c'est un sacré coup de poing. Il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est aussi le titre de certains de leurs titres. Bon, il y en a un qui est très connu. Qui a un peu leur tube, c'est Aucun Main ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Voilà. C'est peut-être leur tube, mais ça c'est leur tube. Et alors, le refrain, quand même, il dit finalement, la vie réelle est glaçante. Et ça, c'est aussi la vie réelle est glaçante, c'est un titre d'un morceau aussi également, la vie réelle est glaçante. Il y a un autre morceau qui s'appelle Les vaches bretonnes sont bilingues. Bon, là, on est quand même, c'est assez énorme. Donc là, je voulais parler de colère aussi, mais je trouve que c'est un bon choix de passer colère parce que ça reflète bien justement tout ce côté où ils disent ce qu'ils ont sur le cœur. Et dans une des interviews qui est parue sur ce groupe Astéréotypie, dernièrement, je pense que c'était dans Télérama, un des membres du groupe donc, qui écrit les textes et qui les chante aussi sur scène pouvait dire nous permettre de pouvoir écrire sur ce qu'on a dans les tripes qui nous met en colère, après on va vachement mieux. Et c'est vrai que c'était tout l'intérêt et tout l'objectif du travail de Christophe Tullier, qui en plus d'être musicien, était surtout un éducateur dans cette IMEP. Un garçon qui a fait un travail formidable. J'en ai presque les larmes aux yeux en parlant. C'est un projet qui a quelque chose de très touchant. Quoi. Mais on va pas pleurer en écoutant Astéréotypie, parce que c'est pas le but du jeu. Juste, je voulais préciser, il y a un documentaire qui a été fait sur eux, qui s'appelle « L'énergie positive » des dieux, par Laetitia Moller. Je crois que ça vaut le coup aussi de se pencher là-dessus. Ça montre bien tout le travail qu'il y a derrière. C'est plus qu'un groupe, c'est une belle aventure et c'est une belle aventure humaine, je crois. Très bien, voilà. Donc. Ils vont passer ce soir, il y a un groupe en première partie dont les gens qui veulent venir, qui décident en ce moment, d'aller après notre chronique, d'aller voir ce concert. Ils ont le temps. Ils ont le temps de le faire, voilà. Je crois que c'est encore à temps. Mais le groupe qui joue avant s'appelle l'équipe de foot. Voilà. Donc là, je... inconnu encore au bataillon, mais on vérifiera ça tout à l'heure. Astéréotypie, donc ce soir au métronome à partir de 20h30, et on écoute tout de suite un morceau du groupe qui est un peu vieux, c'est un morceau qui a 6 ans, mais c'est un vrai coup de poing et c'est vraiment l'esprit du groupe. Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important. J'ai insulté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave. J'en ai marre, mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, je n'y comprends rien. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère. On m'a crié dessus parce que j'ai senti une chaussette pour voir si elle était à moi. Je n'y comprends rien. Mon père aussi me crie dessus. Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre. J'en ai marre des contraintes, le conditionnement tous les lundis. Il ces échauffements de théâtre, ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre. J'aime pas qu'on me dise, il faut que tu dormes la nuit. Il faut que ça s'arrête maintenant. Je n'aime pas non plus quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve. Quand il y a un anniversaire à l'Hippopotamus, ils mettent la musique fort. Si je commande des huîtres au restaurant et que le serveur me dit « Désolé monsieur, il n'y en a plus !» Quand les gens se moquent de moi dans les centres commerciaux et qu'ils disent « Ha ha ! Ha ha ! Regardez, il fait le fou, il s'excite ! Ha ha ! Il secoue des mains !» Alors je prends mon portable, je les prends en photo pour me venger, pour les emmerder. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Mouh. Et voici qu'arrive l'heure de notre bon professeur Thibault. Bonsoir, professeur. Et bonsoir, petite fée de la FM. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, je suis Fredka. Tout à fait. Voilà, il y a Joka et dorénavant, il y aura Fredka. Mon lointain cousin. C'est ça. Ah, ben très bien. Voilà. Formidable. Alors, de la culture, du jazz, surtout. Oui. Hein, du jazz. Et de la culture, avec un K. Tout à fait, avec un K. Du free jazz, hein, du jazz libre. Ben, du jazz libre. Du jazz emprisonné aussi. Il y en a aussi. Il y en a plus que ce que l'on croit. On passe aux choses sérieuses. Ah, ben allons-y. Allez, bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir, comment allez-vous? Oh, ben parfait. Ça va bien? Je reprends ma. Ben oui, je vois. Ma grosse voix de stentor. Mais j'ai bien aimé comme votre imitation, vous le faites bien. Vous croyez? Ah ouais, je crois. Ah. Peut-être que je vais prendre des vacances, vous assurerez la doublure. Bon, j'ai de la buée dans les lunettes, arrêtez. Allez, on va y arriver. Hein. Oh ben ça y est, on est parti même. Alors je sais pas, vous m'avez appelé, je voulais venir en visiteur. Oui, mais ouais, le visiteur du en soir. Touriste, hein. voilà. Mais j'ai œuvré pour cette émission pendant des années, donc je me suis dit, ce soir, c'est un peu les vacances, c'est bientôt le 1er mai, mais ouais, c'est vrai. Bientôt la retraite. C'est voilà. Aussi. Je vais faire un crowdfunding pour la mienne. D'accord. C'est vrai, je vais le lancer la semaine prochaine. Ah mais très bien. Professeur Thibault part à la retraite, crowdfunding. C'est vrai, hein, je vais aller sur un truc à la con, là, UL. Ou je sais pas quoi. Oh, ouais. Mais on relayera l'adresse. Mais j'espère bien parce que je vais le faire. Alors, vous avez intérêt. Et puis je veux partir quand même avec quelques deniers. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Bon. Je pense que vous en avez quand même encore pour un petit moment avant de pouvoir la prendre. Ne soyez pas défaitiste. Allez, de l'optimisme. On se retrouve tous lundi dans la rue et la retraite à 55 ans. La France en marche. Voilà. Allez, c'est reparti. Allez-y. On va sticker nos casseroles. Très bien. Bon, en attendant, parlons de cinéma. On parle un peu de cinéma. Alors, j'ai préparé bien sûr un truc à la va-vite. Voilà. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Non, c'est comme d'habitude. C'est pas nouveau, mais j'avais pas trop d'idées et tout ça. Bon, enfin, bon, j'ai trouvé un truc. Alors, je sais pas si ça va plaire ou pas. Mais de toute façon, je m'en fous. Donc, on va parler d'M le Maudit. Ah oui, alors, formidable. Alors, formidable. Ah oui, formidable. Puis alors, pas connu. M le Maudit, Fritz Lang. Oui. Voilà, 1931. Alors, déjà, je vous dis de suite, il y a eu trois versions, en fait, d'M le Maudit. Si vous ne le savez pas, c'était l'époque où on tournait les films en trois langues. Oui. Pour les films européens. Vous nous avez raconté ça il y a quelques années pour Zorro aux États-Unis qui avait été aussi tourné. Exact. Voilà, à plusieurs langues à la fois. Et donc, il y a une version anglaise de M. Le Maudit, il faut le savoir, avec on faisait un switch d'acteurs, où des fois, c'était les mêmes acteurs qu'on gardait. Et il y a aussi une version française. Mm-hmm. Donc, dans la version française, on entend Peter Lorre donc, parler français. Il ne parlait pas français. Et surtout, il ne parlait pas du tout anglais. C'est pour ça que la version anglaise de M. Le Maudit, en fait, est un nanar atomique, contrairement à la version originale qui est un chef-d'œuvre. C'est le même film, sauf que Peter Lorre, il ne sait absolument pas du tout ce qu'il dit en anglais. Et ça se voit. Et ça s'entend. Et ça se voit et ça s'entend. Alors, donc, voilà. Alors il ouvre des grands yeux comme ça. Alors, eh ben oui, Peter, tu comprends rien, foutrement rien à ce que tu dis. Voilà, c'est absolument hilarant, comme quoi un chef-d'œuvre peut être une merde aussi. Ouais. Voilà, c'était bon de le signaler. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu 20 ans plus tard, en 51, un remake d'Aime le Maudit, donc de Joseph Losey, que je connaissais, qui était très bien et tout. Et voilà, Tipa, mon cher Joka. Oui. Il y a quelques semaines, je découvre un film qui s'appelle El Vampiro Negro. Je me dis, tiens, le vampire noir. Voilà, une histoire de vampire. El Vampiro, c'est un sujet qui m'intéresse. Et alors, je me retrouve devant un film où, non seulement il n'y a pas de vampire, mais il n'y a pas de noir. Mystère. Mais qu'est-ce qu'est cette chose? Mais qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce le film? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, figurez-vous que El Vampiro Negro est un film argentin de 1953 et qui est un remake de M. Le Maudit. Ah ouais. Mais alors attention, pas n'importe quel remake, puisque là ça va devenir très très curieux. M. Le Maudit, je le rappelle, donc c'est cette traque donc au serial killer d'enfants, inspiré d'ailleurs d'un triste fait réel. Et c'est donc l'association en gros de la pègre de la police qui vont permettre donc l'arrestation de ce tueur en série. L'arrestation du tueur en série. Sauf que là on est en Argentine, donc on est à Buenos Aires. Alors je précise que l'Argentine en 53 c'est pas le pays le plus progressiste qui puisse exister. Voilà, si je me souviens bien, voilà. Perón est au pouvoir et c'est un militaire. Tout à fait. Eh bien, aux surprises, parce qu'on se retrouve finalement avec une version, en fait, féministe de M. Le Maudit. Alors, en fait, il y a toujours ce meurtrier, qui est d'ailleurs magnifiquement interprété par un acteur qui s'appelle, j'aime bien son nom, Nathan Pinzon. J'aime bien Pinzon, je trouve que ça sonne bien. Ça fait très argentin. Voilà, qui prend du coup la place de Peter Lorre. Alors, il a un jeu très, très différent. Lui, par contre, il est tout en brutalité et tout en subtilité. Alors, c'est très curieux, mais là, il faut vraiment voir le film pour ressentir ça. Et alors, quand je dis qu'on se retrouve avec une version féministe de M. Le Maudit, donc, je l'ai dit, c'était narré du côté, évidemment, de la pègre et de la police dans le Fritz Lang. Et bien là, en fait, ce sont les femmes, en fait, qui sont les personnages principaux du film. C'est-à-dire, en fait, c'est les mères dont on a assassiné les enfants. Donc ce qui est alors terrible, et le film fonctionne là-dessus, et on se retrouve en fait avec toute une galerie en fait de personnages masculins qui sont plus faibles les uns que les autres et plus ignobles bien sûr, parce que le tueur bien sûr est un homme. Donc c'est un film qui est tout à fait curieux, moi qui m'a complètement surpris, notamment parce qu'il est extrêmement bien fait. Il y a une photo comme ça en noir et blanc très très tranchée qui rappelle les meilleurs polars, les meilleurs films noirs qu'on trouve aux États-Unis. Années 50. Qui ont été fait, dans l'après-guerre, etc. On se retrouve avec quelque chose de très très rythmé. Ça se passe dans des cabarets, ça se passe dans les rues et surtout ça se passe dans les égouts. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les égouts? À part des rats. Les déclassés. Et on a une fin de film qui est complètement hallucinante, qui pourrait faire penser d'ailleurs à Freaks, qui pourrait être une réinterprétation de Freaks, en fait, où finalement ce serial killer, ce tueur d'enfants, ce salopard, en fait, plonge dans les égouts parce que lui-même est un rat et que la solution, en fait, de l'enquête, vous devinez bien sûr qu'on va coincer le scélérat, en fait, c'est les femmes qui arrivent à résoudre le truc et les clodos qui vivent dans les égouts. Et ça, c'est absolument formidable. Donc, ce film-là est absolument génial. Je ne connaissais absolument pas. Je vous le dis, j'ai découvert ça la semaine dernière. Voilà, je me suis dit, mon Dieu, mais quel crétin, intéresse-toi au cinéma argentin des années 50, parce qu'il a dû se faire de belles choses. Donc, voilà. Donc, ma chronique est terminée. Et alors, c'est formidable. Vous avez vu, c'était sérieux. Ouais. C'était, alors, documenté. Érudit. Il y a un sérieux papal sur le plateau. Ah ouais. Et après, pour ma culture générale, comment vous avez trouvé ce film? Alors, j'ai trouvé ce film parce que je travaillais sur les vampires. Ah, oui, alors, d'accord. Ah ben ouais, voilà. El Vampiro Negro, je comprends. On va voir les vampires là-dedans. Mais non, alors ça c'est un titre. Hein. Là, vous savez, les titres c'est formidable. Hein. Moi, j'en parle souvent ici. Alors, je sais pas, moi, je me retrouve ouais. face à les films. Il y a rien du titre qui est annoncé. Mais c'est ça la beauté, c'est la beauté du cinéma. Et s'il n'y avait pas eu ce titre, vous n'auriez jamais vu ce film. Et s'il n'y avait pas eu ce titre, je n'aurais jamais vu ce film. Eh ben voilà. Donc. Ou alors, j'aurais peut-être travaillé sur M le Maudit un jour ou l'autre. Voilà. Il y a une Claude Chabrol aussi. Il a fait un petit remake d'M le Maudit. Qui est assez marrant, 15 minutes. Et dans les années 80. Il s'appelle comment ? M, ça s'appelle, je crois. Alors, c'est pas Docteur M, hein, mais ça a été fait pour la télé. Ah, d'accord. Voilà, mais qui est très amusant. Donc, El Vampiro Negro, alors, qui est sorti en Blu-ray aux États-Unis. Évidemment. Et voilà, donc, quoi. Ils sont pas si cons, les Ricains, des fois. Et voilà, donc, avec des sous-titres anglais. Donc, payez-vous-le, ou alors vous passez par des moyens, bien sûr, détournés, qui sont, voilà, on le sait, c'est illégal. Mais il est bon, des fois, d'être illégal. Allez, c'est formidable. La semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Voilà. Alors, la semaine prochaine, donc, je vais officialiser le crowdfunding. Hein? Voilà. On donnera l'adresse et on y mettra nos premiers sous dedans. Professeur Thibault, vamos à la retraite. Formidable. En attendant, passez un bon week-end. Merci. Allez, et avant de passer à la suite, on a un tout petit souci. Le disque a du mal à partir, mais ça va arriver. On se retrouve juste après ce morceau avec nos invités du soir, les Guilty Pleasures. Monsieur Jean-Pierre Lérac, si vous voulez parler, c'est dans le micro, comme ça on vous entend. Et puis l'émission continue. Voilà. On vient d'écouter Egg Monster, morceau de Guilty Pleasure, nos invités du soir. Guilty Pleasure, un duo toulousain, Émilie Menet, et puis Anshu Chatterjee. Qui rime avec énergie, je te signale. Ah ben ouais. Là, vous allez peut-être prendre la porte tout de suite. Ça commence bien. Guilty Pleasure, un groupe qui est sur le devant de la scène ou sur l'arrière de la scène, mais qui est sur scène depuis 3-4 ans, c'est à peu près ça ? Oui, c'est ça, exactement. J'allais dire, deux activistes de la musique à Toulouse qui se réunissent pour monter ce groupe. Émilie, on vous avait surtout vu il y a quelques années avec les Cagettes. On vous avait vu également avec un duo avec une japonaise dont j'ai oublié le nom. Nomi Sugi. Voilà, on vous avait vu aussi avec Merci Tarzan. oui. Toujours dans cet univers un peu à marge, un peu punk, mais pas que... Avec Que Pont des Bois aussi, où il y avait Professeur oui, dedans mais aussi. Le Professeur Thibault, c'est un escroc. Il était dans Pédatron, y compris dans Tarzan. Ben, merci Tarzan. Il jouait simplement une note sur le clavier qui envoyait le cri de Tarzan pendant le morceau. C'était la seule chose que vous faisiez pendant... Mais c'était la bonne note. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. C'était la bonne note. C'est pour ça que je dis que vous êtes quand même un escroc. Professeur, un bon escroc, hein, parce que même dans Que Pont des Bois, il savait pas du tout ce qu'il faisait, mais ça marchait. Quoi. Mais, c'est ça qui est dingue. Mais c'est bon, on va pas passer. On va pas passer l'émission à parler du professeur Thibault, mais c'est ça qu'il fait le mieux. Il ne sait pas ce qu'il fait et il le fait bien. C'est tout le mystère du professeur Thibault. Comment fait-il ? Pour en revenir à Guilty Pleasure, dans un groupe qui existe depuis 3-4 ans, deuxième album, à l'écoute du morceau là qu'on vient d'entendre, il y a des réminiscences, moi, de feuilletons que je voyais quand j'étais petit dans les années 60, et dont un qui m'a fait découvrir Bruce Lee, qui s'appelait Le Frelon Vert. Et c'est vrai que dans la musique telle que vous la jouez dans ce morceau-là, on dirait le générique du Frelon Vert ou de Batman, puisqu'à la même époque, il y avait aussi cette série américaine Batman qui passait et qui avait un peu le même style de musique, un mélange de surf plutôt énervé et de sonorité très rock telle qu'on les faisait dans les années 60. Bah justement, ouais, on est pas mal influencé par cette période-là, surtout au niveau cinéma, série Z. Voilà, ça nous fait marrer. Et puis, je crois que ça doit être ancré quelque part. Et ça sort quoi qu'on fasse. Et je crois que ma vie a été influencée par Doctor Who, qui explique plein de mauvais choix dans ma vie. Mais voilà, ça ressort dans notre musique, je crois. Ouais. Avec quelque chose qui est flagrant dans la pochette, vous avez quand même le costume de personnage que l'on aurait pu retrouver dans le Frelon Vert, dans cette série des années 60 américaines qui a révélé Bruce Lee au monde entier et qui voyait un détective bon chic bon genre aidé par son chauffeur joué par Bruce Lee avec cette espèce de masque que Hang Chu porte sur la pochette plutôt bien. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans cet univers-là, un peu kitsch, un peu années 60. Bah, excellent, il faudra qu'on regarde ce film alors. Quoi ? Vous connaissez pas Le Frelon Vert ? Non ! Alors là, quand même, de nom. Je sais bien que je suis un peu vieillard dans cette émission, mais je croyais que même sur YouTube, on continuait à le voir. Le projet de départ, quand vous vous rencontrez d'abord, vous vous rencontrez comment, musicalement ? Comme ça, au Ravelin. Au Ravelin, comme tout le monde. comme des êtres humains, quoi. Ça se passe autrement. Hein. Il en reste quelques-uns, ouais, des êtres humains. Et c'est vrai qu'ils se retrouvent assez souvent au Ravelin. C'est vrai que, Émilie, vous êtes quelqu'un qui traîne dans le milieu de la musique depuis longtemps. Pas simplement que comme musicienne, mais vous êtes aussi quelqu'un qui fait le son dans les concerts, ouais. qui est souvent derrière les tables de mixage pour un certain nombre de groupes ou de concerts à Toulouse. Mais c'est vrai que cette expérience de musique vous a toujours amené vers des choses qui tournent toujours autour du punk que vous mélangez avec plein d'autres éléments. Ouais, c'est ça, le punk, ça reste un peu l'élément central. C'est le côté ravelin, le punk. C'est ça, le côté ravelin et le côté aussi simple, parce que c'est simple et efficace, le punk en général. Et ça nous attire beaucoup, tout ce qui est simple et efficace. Oui, on n'est pas super passion, on n'a pas beaucoup de patience, donc ça nous aide de faire des morceaux de 2 minutes maxi. Ouais. Et ce qui est effectivement le principe même du punk, plus c'est court, mieux c'est. Deuxième album, qui s'est construit comment, celui-là ? Et qui est quand même peut-être mieux produit que le premier, mais vous allez me dire que vous avez changé les micros et ça s'entend. Mais avec une rectitude dans les morceaux qui n'existaient peut-être pas dans le premier album, et c'est vrai que ça file tout droit là. On prend le bus sur le premier morceau et hop, ça s'enchaîne pendant 30 minutes et on est arrivé à destination 30 minutes plus tard, et c'est vrai que c'est hop, ça bouge jamais, il y a toujours la même pêche, il y a toujours le même volume sonore, et c'est vrai que ouais, il y a une direction comme ça qui est assez rectiligne sur cet album. En fait, c'est un peu la, quelque part la continuité du premier album, j'ai envie de dire. C'est, l'esprit quand même reste le même. Mais effectivement, peut-être qu'il y a une sorte de l'expérience du premier qui, voilà, qui peut-être change le deuxième, mais un tout petit peu. Je crois que c'est peut-être un peu plus cadré comme, comme disque. Je crois que c'est un peu plus consistant. Je ne suis pas sûr après que ce soit une bonne chose toujours. Je crois que c'est bien de le faire une fois, mais c'est bien d'essayer d'autres choses aussi avec un peu plus de variété. Donc, j'aime beaucoup le disque, forcément. Mais je crois, en effet, le premier qui est Complot a plus de variété, il y a plus de style de musique dedans aussi. Oui, oui. Alors que ce deuxième, effectivement, il tourne autour d'une même façon de voir les choses et on a des morceaux qui sont très cohérents les uns des autres sans que jamais vous ne baissiez le rythme. Ça part à fond les balais dès le premier morceau et on enchaîne comme ça la dizaine de morceaux qui constituent ce deuxième album sans problème. Une musique qui se joue sur scène en ce moment ou pas? Ah oui, ouais. Oui, oui, absolument. Qui va se jouer demain à Euphorie. D'ailleurs, Euphorie, c'est un tiers-lieu. C'était une salle de sport, à priori. Salle... Voilà. J'ai lu des avis sur Google Maps, comme quoi ça puait, le staff était mauvais. C'était dégueulasse. Donc forcément, ça a fermé, ça a été abandonné. Ouais. Et des personnes ont occupé le lieu. Ça se trouve où ? Vers Compense. D'accord. Voilà. Donc ça c'est demain soir. Oui. On va arriver à une autre actualité qui vous concerne parce que je disais que c'était une musique qui était peut-être un peu à marge de ce que l'on peut écouter actuellement en France, qui est vraiment à marge. C'est vrai que la marge, c'est quelque chose qui vous a toujours plu. Au moins, Émilie, dans ce que l'on connaît de vous depuis une bonne dizaine d'années, ça a toujours été un peu sur le bas-côté. Tellement que vous en êtes arrivé. En train de faire du stop. Pas que. Au point que vous en êtes arrivé à imaginer aussi tous les deux le Distorama, et on en arrive à la deuxième actualité qui vous concerne. Cette espèce d'agenda, agenda zine et débat fond toulousain. Je dis, c'est pas pour rien que je dis qu'effectivement vous êtes toujours un peu en marge de ce qui se passe. Vous n'allez pas chercher n'importe quel concert et vous n'allez pas nous proposer n'importe quel endroit pour écouter de la musique. Ce Distorama, il a été créé comment? Et ça fait 7 ans là. Ça fait 7 ans. En fait, il a été créé, justement, j'étais allée jouer avec Nomisugi à Marseille. Mmh. Et là-bas, ils ont ce genre d'agenda qui s'appelle le Vortex. Mmh. Et donc, même format, ils sont toute une équipe, ils sont très nombreux et nombreuses à faire ça. Et j'avais trouvé ça trop génial. Mmh. Mais genre, trop génial. Il fallait qu'on ait ça à Toulouse. Et donc, ni une ni deux, on le fait. Ouais, ouais, bah c'est ça, c'est une feuille à trois. Il faut trouver quelqu'un qui dessine et puis... Et quelqu'un qui plie, hein, Quelqu'un qui plie. et donc, je pense que c'est vous qui êtes désigné pour la corvée de pliage. Je fais ça tous les deux. Je fais partie de l'équipe, voilà. Mais je ne suis pas seul. Maintenant qu'on est, on a déménagé à la campagne, donc maintenant on est vraiment tous les deux à le faire. Avant, on pouvait appeler les potes pour les apéros pliage et tout. Et maintenant, non, on plie tous les deux 500 exemplaires tous les mois. Ouais, mais pour les longues soirées d'hiver, c'est agréable. Ouais, mais là, c'est plus l'hiver. Ouais. Là, il fait chaud. Oui, puisque vous le faites remarquer, c'est le printemps. Et avec le printemps, il y a le nouveau Distorama qui est sorti, qui sort aujourd'hui. À chaque fois, pas partout encore. Hein. Aujourd'hui et mardi, je peux plus tout distribuer. Et donc, un agenda que l'on retrouve dans certains endroits culturels à Toulouse, des bars, des salles de concert. On peut le trouver dans certaines radios. Oui. Éphémère si on y passe devant, campus aussi. Et puis, c'est surtout un agenda que l'on retrouve sur le net, sur Facebook, dans le moteur de recherche, on tape et Distorama. Et sur le site internet du Distorama, parce qu'il y a un site internet, donc, où c'est Angshu qui le fait. C'est sur Neocities, donc je te laisse en parler. L'adresse? C'est distorama.neocities. Donc, Neocities, c'est un site à peu près comme Geocities à l'époque, mais en mieux, quoi. .org. Donc c'est un site sans cookies, on n'a pas besoin d'abonnement, il n'y a aucun tracker, donc c'est tout net, c'est un bout de code super simple. Mais c'est efficace, quoi. Voilà. Donc, distorama.neocities.org. Voilà, ils viennent de le dire. Il avait oublié le point .org. Et donc, distorama, c'est fabriqué comment ? Vous êtes toujours que deux ? En fait, on n'est pas vraiment que deux parce qu'il y a toujours une personne qui dessine la couverture. Et ce n'est pas toujours nous. On l'a fait une fois ou deux, mais là, ce mois-ci, c'est Franek. Qui a fait donc un artiste toulousain assez connu, qui a fait la couverture pour le mois des 7 ans, parce qu'on fait l'anniversaire, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, le 5 mai. Le 5 mai et pas le 28 avril, le 5 mai, vendredi prochain. Vendredi prochain au Ravelin, il y aura une petite expo de la dernière année de couverture, parce qu'on ne peut pas faire une expo de 7 ans de couve au Ravelin, c'est juste pas possible. C'est pas assez grave, le Ravelin. C'est ça. Et donc il y aura un punch offert à 19h pour l'apéro du Distorama, et après il y aura deux concerts. Il y aura Coup Droit, où il y aura justement Franek qui joue dedans, c'est pour ça que je lui ai demandé de faire la couverture, et après il y aura un duo belge extrêmement talentueux et gentil qui s'appelle MIT, voilà, The Male Idiot Theory, ça veut dire. Et ils et elles sont formidables. Et justement, on se disait avec Supermoop que le duo était très tendance. Oui. À ce moment, oui. C'est le nouveau trio. Hein. Ça, c'est un concept comme ça, un peu compliqué à mentaliser. Mais effectivement, le duo, c'est le nouveau trio. Mais c'est vraiment la formation à la mode qu'on voit partout. Peut-être parce que ça coûte moins cher à transporter pour les concerts. Mais c'est vrai que ce soir, par exemple, nous irons sans doute au Taquin écouter Edredon Sensible. Et la formation qui commencera le concert d'Edredon Sensible, c'est encore un duo basse-batterie. Et c'est vrai que les duos sont vraiment à la mode. Et je pense que il y en avait déjà pas mal depuis quelques années, mais après Covid, il y a encore plus de duos et notamment les groupes. Les groupes. Et oui, c'est vrai. On a entendu ce terme récemment. On voulait pas forcément être appelé comme ça, mais enfin, a priori, c'est vraiment à la mode en ce moment les groupes. Ouais. Comme MIT justement qui vont jouer. Qui est un groupe. Qui est un groupe. Donc ils ont joué pendant tout le confinement chez eux. Ils avaient largement le temps de faire de la musique. Donc ça, c'est votre deuxième actualité, les 7 ans du Distorama la semaine prochaine. Au Ravelin, vendredi prochain au Ravelin. Et la troisième chose dont je voulais parler un peu avec vous, c'est le label que vous avez monté là aussi il y a 4-5 ans, Duchtu Records, un label qui en est où? La dernière sortie, c'est notre dernier album. Et j'avoue qu'on est effectivement en questionnement parce que le modèle plus, voilà, surtout parce que le pressage de disques est devenu infernal. C'est excessivement cher, comme tout, ça a vachement augmenté et les délais sont toujours aussi longs et abominables. Donc, y compris pour les CD, on avait non, compris les ça vinyles. Pour les vinyles. Ah oui, oui, voilà, oui. Voilà. Et nous, on est très vinyle. Après, si on fait des CD, souvent c'est un DIY, on les grave, on dessine la pochette à la main. Sauf là pour l'album, on a fait des CD en pochette cartonnée. Mais c'est vrai qu'à la base, on aurait aimé faire des vinyles. Et c'est vrai que le vinyle est une matière rare en ce moment. À partir du moment où une chanteuse comme Adèle qui récupère les trois quarts de la production de l'année pour presser les siens, effectivement, il ne reste plus grand-chose pour les autres. Oui, et en plus, ça devient cher pour le public. Enfin, nous, on n'a pas un public qui va dépenser 30 balles dans un vinyle. Ah. Oui, on aime beaucoup la vinyle, mais on voulait absolument avoir un support qui coûtait moins de 5 balles au concert, parce que c'est, à un moment donné, c'est plus abordable. Et malheureusement, la CD reste le support le plus accessible, Le plus économique. Oui, le plus économique, le plus facile à faire, le plus vite. On a aussi fait des cassettes. Ça reste, c'est super cool, j'aime beaucoup l'objet, mais après, tout le monde n'a pas un lecteur cassette. Ouais. C'est vraiment un tout petit milieu qui l'ont. Donc voilà, ça reste la CD, malheureusement. Et c'est vrai que c'était le point de départ du Duchtu Records. C'était promouvoir un certain nombre d'artistes toulousains. On avait vu Jérôme Sage. Ouais, c'était le premier disque. Il y avait Petit Bureau qui a aussi fait un album chez vous. Donc il y a eu Guilty Pleasure qui a sorti Combat il y a deux ans et demi. Les Loutres devaient enregistrer chez vous aussi. Oui, mais ça s'est arrêté avant l'enregistrement. C'est vrai qu'il y avait cette scène-là que vous vouliez défendre, mais surtout défendre aussi des supports qui sont peu utilisés. Et quand vous êtes lancé, le vinyle n'était pas revenu à la mode. Si, un petit peu quand même. Mais le vinyle gravé maison. On avait fait des vinyles gravés dans un appart. On avait fait l'album de Jérôme Sage et notre premier 45 tours comme ça. Ouais. Est-ce que ça peut être viable, un travail comme ça? Absolument artisan, pas. Voilà. Absolument pas. Ça peut surtout rendre fou, en fait. On est bien d'accord. Voilà, Martinez, celui qui a fait ça, en fait, il les grave en temps réel. Donc, ça veut dire musique à fond dans l'appart de ce qu'il est en train de graver, plus le bruit de l'aspirateur qu'aspire les résidus de vinyle. Et ça, quand tu fais 100 Jérôme Sage, et ben t'en as un peu ras-le-bol, en fait. Après, tu prends 15 jours de vacances. Ouais, c'est ça, c'est chaud. Et il en a bavé pour le disque de Jérôme, vraiment, le pauvre. Quand vous dites que vous êtes en train de réexaminer la façon dont vous pourriez continuer du ch'tu, il y a des risques que ça s'arrête ? Non, pas vraiment. En fait, on réfléchit à soutenir quelques groupes, peut-être des groupes étrangers ou quoi, mais sur un modèle différent, par exemple en sortant une micro-série de 20 cassettes, do it yourself à la maison. Parce qu'on vend pas beaucoup non plus. Les disques dans notre milieu, ça se vend en concert. Ouais. Disons que c'est pas le projet le plus lucratif qu'on a jamais eu, c'est clair. Et n'empêche que ça reste très très punk dans l'esprit, le do it yourself. Vous y êtes toujours. Ah, on y est toujours. Bon, mais écoutez, très bien, on va se dire que demain, on vient vous voir à Euphoria, une ancienne salle de sport qui a eu la bonne idée de se transformer en salle de spectacle. C'est vrai qu'à ce moment, à Toulouse, il y en a plein qui ferment, donc c'est peut-être bien qu'il y en ait des nouvelles qui ouvrent. Donc du côté de Compense Caffarelli, donc Guilty Pleasure, il sera demain soir, vendredi. Entre autres, il y a beaucoup de C'est quoi les autres groupes La Canaille du Midi... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, allez, je continue. Le temps que ça revienne. Vendredi prochain, dans le 5 mai, c'est au Ravelin que ça se passera. Vous serez pas sur scène, mais par contre, vous fêterez les 7 ans du Distorama, votre agenda concert débat fond toulousain que vous éditez donc depuis 7 ans. Et puis, on essaiera de repérer les prochaines sorties chez Duchetu Musique, le label que vous avez monté il y a 5 ans. Et juste un dernier truc, on re-rentre en album, en studio. On est re-rentré en studio pour le troisième album. Déjà ? Oui, monsieur. Bien sûr. Parce qu'on enregistre le ciné-concert Les Aventures Extraordinaires de Satie en Infarandoule, où monsieur Thibault nous avait invité à jouer avec Professeur Thibault. Il est partout. Donc vous enregistrez le ciné-concert ? Oui, on l'enregistre. Vous allez aussi donner le bout de film en même temps que le CD pour qu'on puisse tout caler ? Non, je ne pense pas. Mais pour le coup, il y a des chances qu'on sorte un double vinyle pour celui-là. On va être plus patient, on va casser la tirelire. Peut-être bien qu'on va faire ça. Et bien peut-être que vous pouvez faire comme le professeur Thibault, monter aussi crowdfunding. Un crowdfunding. Oui, peut-être qu'il peut nous donner le crowdfunding de sa retraite. De sa retraite. Donne la retraite. Formidable. Alors... Il vient de le dire en direct. Il donne sa retraite. Allez, Guilty Pleasure, demain soir, vers 20h, le début du concert, je suppose. Oui, je pense. Alors, La Canaille du Midi, Papayara, rappeuse Allume-toi, Acracia Sound de Guilty Pleasures et DJ Loutre Rage. Ah ben voilà, donc tout ça demain à Euphoria à partir de 20h et dont les Guilty Pleasures y seront. Et les Guilty Pleasures, on les écoute tout de suite dans un deuxième morceau tiré donc de ce deuxième album. Merci d'être venu nous en parler ce soir. Et celui-là, merci pour l'invitation. On le trouve comment? Au concert demain par exemple? Ouais. Sinon dans les disqueurs, pas trop? Pas encore, bon, ben, très parce bien. Qu'on est des branleurs. Sinon, sur le Bandcamp de Douche2 Records. Voilà, très bien. Ouais. Allez, vous avez tout pour pouvoir écouter cette musique qui remue les oreilles et pas que. Guilty Pleasure, deuxième morceau. À très bientôt. Dites-moi, vous avez une technique remarquable. Oh, je pourrais faire mieux, mais ça dépend des troncs. Voyez-vous celui-ci ? Son orifice est simple et large. Oui, malheureusement, ils ne sont pas tous aussi faciles. Ah, hélas, j'utilise la suceuse à sous dans les meilleurs des cas. Ou sinon, vous travaillez comment ? Au caramel mou. Allez, voilà, Caramel Mou, c'est presque terminé. On va simplement entamer cette rubrique concert, rubrique réalisée avec le concours donc, du Distorama, l'agenda des bas-fonds toulousains, version papier. Je le disais, disponible dans quelques lieux culturels à Toulouse, dans des bars, dans des salles de concert. Signons version numérique sur Facebook et sur le net. Voilà, alors ce soir, les concerts, par exemple, à 20h, à la Loupiote. La Loupiote, dont on n'annonce pas souvent des concerts, c'est vrai que... ils en font un peu moins, mais ça y est, ils ont l'air de s'y remettre. Donc à la Loupiote ce soir, Como No Motor, un groupe de punk hardcore qui sera suivi par Anarès. Donc ce soir à la Loupiote, au Ravelin ce soir, les Bordelais de Furax, du punk hardcore au morceau ultra court et très énervé, suivi de Rotophile Connard. Rotophile Connard, moi ce titre-là, j'adore. Donc Rotophile Connard, justement, un duo basse-batterie, duo toulousain basse-batterie, mélangeant punk et drum and bass, et là aussi c'est passablement en colère. La devise de Rotophile Connard, brutal mais cordial. Allez, ça se passe au Ravelin à partir de 20h. À l'impro, toujours ce soir, Ramène ta trompette, un quintet toulousain très Nouvelle-Orléans pour une célébration du jazz des débuts du siècle. À partir de 20h30, au moins du jazz de ses débuts. Donc à l'impro ce soir, 20h30, Ramène ta trompette, qui ont invité un deuxième trompettiste pour le concert de ce soir. Donc ce quintet ce soir sera un sextet. Chanson pop en trio, piano, clarinette, violoncelle, voix, avec Rayon Gaïa ce soir à la Candela à 20h30. Au métronome, donc on en parlait tout à l'heure à 20h, Astéréotypie, un groupe dont Jean-Pierre nous a largement parlé il y a une vingtaine de minutes et chaudement recommandé par la maison. Au bijou, toujours ce soir, l'univers hétéroclite de Mehdi Kayen, un guitariste, il sera accompagné par un batteur et avec plein de machines qui traînent dans le coin, pour un set assez inclassable, plein de musique, de chansons, d'inventions, de liberté, de rock et de folie. Mehdi Kayen est un musicien peu connu ici, auteur, compositeur, interprète, mais aussi comédien et chroniqueur radio, et qui nous vient du Canada, à découvrir donc ce soir au Bijou. Et puis au Taquin ce soir à 21h, et également demain à 21h, Édredon Sensible, pour leur fête de sortie d'album. Édredon Sensible qui invite ce soir soir le trio Feu, saxophone, batterie, plus il nous annonce une intruse sportive. Il me tarde quand même de voir ça. Et demain soir, les invités d'Édredon Sensible seront le duo L'Oiseau Ravage. Édredon Sensible donc et leurs invités ce soir et demain soir au Taquin à 21h et tout de suite dans Caramel Mou avec Dankeschön Paul, un morceau extrait de leur deuxième album Montagne Explosion. Le concert risque d'être plutôt chaud et bouillant. Et puis à noter que les musiciens d'Édredon Sensible seront nos invités la semaine prochaine dans Caramel Mou. Dankeschön Paul, Édredon Sensible ce soir au Taquin et tout de suite dans Caramel Mou. Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, c'est John Little qui reprend le contrôle des platines pour un nouveau génial, explosif et incredible Little by Little Wicked Show. Demain soir, nouvel épisode de La Liste à 22h sur ces ondes campusiennes. La liste de demain a été concoctée par le pianiste toulousain exilé en Argentine, Xavier Gensch. Mais en ce moment, il est sur la région, donc on a enregistré une liste avec lui. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, avec donc Édredon Sensible autour de cette table. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les filles. Caramel.